Bonjour cher Emmanuel et bonjour à tous. En morale, on est souvent perdu. On aurait besoin d'un guide qui nous dise ce qu'il faut faire, ce qu'il faut ne pas faire, où est le bien, comment fuir le mal. Voilà ce qui nous manque, un dieu, un ange gardien, quelqu'un qui sache mieux que nous et en toutes circonstances. Ce qu'on appelle le perfectionnisme moral n'a rien à voir avec la quête de la perfection. Au contraire, c'est parce que nous ne serons jamais parfaits et parce qu'en morale nous sommes souvent démunis que les tenants du perfectionnisme moral, de Platon à Nietzsche en passant par Montaigne et Emerson, proposent de croire en nous-mêmes, même si c'est douloureux, et de faire le deuil des prophètes et des Jésus rien qu'à soi. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Dans l'histoire de la philosophie morale moderne, dont le développement a suivi avec une régularité assez remarquable la voie marquée par les écrits de Hume et Kant, les deux théories rivales dominantes étaient l'utilitarisme et le kantisme. L'utilitarisme, théorie téléologique la plus répandue, fondée sur un concept de bien. Le kantisme, théorie déontologique la plus répandue, fondée sur le concept indépendant du juste. Du point de vue de ces théories, le perfectionnisme moral, dans la mesure où il semble se fonder sur un concept de la fidélité à soi-même, peut sembler ne pas avoir atteint ou méprisé l'idée que, dans le jugement moral, les autres comptent et pèsent du même poids que moi-même. Il serait donc absolument dépourvu du concept de moralité. Dans ma vision des choses, le perfectionnisme n'est pas une théorie, une de plus de la vie morale, mais quelque chose comme une dimension ou une tradition de la vie morale, que l'on retrouve tout au long de la pensée occidentale et qui touche à ce que l'on appelle l'état de notre âme. Cette dimension attache une extrême importance aux relations personnelles et à la possibilité ou à la nécessité de notre transformation et de la transformation de notre société. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Bonjour Daniele Lorenzini. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir à ce micro pour parler de Cavell. Vous êtes chercheur en philosophie au Centre Prospero de l'Université Saint-Louis à Bruxelles. L'auteur d'Éthique et politique de soi, Foucault, Adot, Cavell et les techniques de l'ordinaire, paru aux éditions Vrin, mais aussi de La force du vrai de Foucault à Austin aux éditions du Bord de l'eau. Et c'est vous qui allez nous éclairer sur ce concept très important pour Cavell, et d'ailleurs pour toute l'histoire de la philosophie et pourtant méconnue, de perfectionnisme moral. Le texte que l'on a entendu qui a ouvert cette émission était un extrait de Cavell, « Conditions nobles et ignobles, la constitution du perfectionnisme moral émersonien », lu par Vincent Schmitt, et ce texte posait clairement les choses en fait. Le perfectionnisme moral, ce n'est pas l'utilitarisme, et ce n'est pas le kantisme, et on n'arrive pas vraiment à le définir, quand bien même il est vraiment important. Tout à fait, alors c'est vrai que C'est étonnant, les refus de Cavell de donner une définition précise de ce qu'il entend par perfectionnisme moral. Il a la tendance à donner des listes de caractères, des listes d'aspects qui peuvent définir une perspective perfectionniste. Mais il insiste surtout sur ces faits, sur le fait que le perfectionnisme moral n'est pas une théorie, hein, c'est une dimension de la vie morale. Et je pense que l'idée de vie morale est centrale parce que il s'agit pour Cavell, d'une certaine manière, je pense, d'insuffler dans la théorie dès la vie. Parce que les problèmes des éthiques normatives, c'est-à-dire des éthiques qui veulent nous dire ce que nous devons faire, que ce soit l'utilitarisme, que ce soit les kantismes ou même les éthiques de la vertu, c'est qu'elle donne un petit peu de la vie morale une description abstraite, comme si la seule chose qui comptait, c'était les moments des choix explicites. Donc on doit choisir et donc on doit savoir ce qu'on doit faire. Alors est-ce que c'est plus important de savoir quelles sont les conséquences de nos actions sur les autres? Est-ce que c'est plus important de savoir quels principes on suit pour choisir? Eh bien, Cavell nous dit, au fond, et là c'est une idée que la philosophe américaine Iris Murdoch a développée aussi, au fond, notre vie morale s'épasse. La chose la plus importante de notre vie morale, les choses les plus importantes, se passent entre ces moments de choix. Se passent dans la manière dont nous sommes formés, dans la manière dont nous nous éduquons, dans la manière dont nous nous transformons au jour le jour. Et au moment du choix, la plupart du travail est déjà fait. Comme si les théories classiques morales étaient à la vie réelle ce que le cinéma est à la vie réelle. Parce qu'au fond, dans un film, il y a les meilleurs moments de la vie, les moments où il se passe quelque chose avec un début, un retournement et une fin. Eh bien, en fait, ce que vous dites, c'est qu'en morale, c'est pareil, c'est que la vie ne se cantonne pas à ces moments décisifs et clés de l'existence où tout se joue. Il y a tout ce qu'il y a entre ces moments clés et qui est en fait l'essentiel de notre vie. C'est ça, et c'est aussi l'idée, effectivement, de ne pas supposer que les agents moraux sont des sujets un petit peu abstraits qui n'existent pas dans la réalité, qui seraient parfaitement rationnels, en fait, et qui seraient capables d'appliquer des règles lorsqu'il s'agit effectivement de choisir. Et alors quand Cavell dit les perfectionnismes moraux, c'est une dimension de la vie morale, il veut dire qu'il s'agit de prêter attention justement à cette texture fine de notre vie de tous les jours, parce que c'est là, hein, c'est à travers l'attention que nous prêtons au moment de tous les jours, même lorsqu'il ne s'agit pas de faire des choix explicites ou très importantes, que les destins de notre vie morale, que notre caractère s'y joue en fait, ses formes et ses réformes de manière incessante. Est-ce ce que Cavell désigne par le thème d'ordinaire ? Tout à fait. C'est à la fois, alors vous l'avez très bien exploré avec Sandra Leger lundi, alors c'est à la fois les langages ordinaires, hein, en tant que tout ce que nous disons, mais il y a aussi cette idée chez Austin, vous en avez parlé, que l'analyse du langage ordinaire nous permet d'analyser l'ordinaire de notre vie et des choses qui existent et les réelles. Et c'est un petit peu, si vous voulez, la transcription ou la traduction, je pense, de cette intuition d'Austin en Austin, philosophie qui était morale. Le collègue et prédécesseur en fait de Cavell, que Cavell oui. a beaucoup étudié, dont il revendique aussi un héritage, même s'il s'en est démarqué ensuite. Tout à fait, et qui, disons, Austin n'a pas développé de philosophie morale, je dirais, explicite, hein, et Cavell traduit d'une certaine manière certaines intuitions d'Austin en morale. Et je pense que le perfectionnisme moral, bon, il est évidemment inspiré de Emerson et des Thoreau, on va en parler sans doute, mais il possède aussi, hein, cette dimension fondamentale de l'attention à l'ordinaire de ce qui se passe et au fait que, justement, les théories morales les plus répandues ne sont pas attentives à ça. Mais est-ce que ça veut dire que tout est moral ? Parce que si la morale est dans la vie ordinaire, est-ce que ça veut dire qu'à chaque moment, la morale est là, ou qu'au contraire, la morale est diluée dans la vie quotidienne? Alors, c'est une question qui peut être prise, je pense, à l'inverse, c'est-à-dire à partir du moment où on se demande qu'est-ce qui est moral, c'est parce que on est déjà en train de réfléchir à quelque chose et de se demander en fait qu'est-ce qui nous a formés, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, d'une certaine manière, je dirais que tout est moral, rien n'est moral, mais une fois qu'on se pose la question, alors même les choses les plus petites qui adviennent peuvent effectivement contribuer à la formation de notre caractère moral. Et c'est ça. Il n'y a pas de, disons, nous ne sommes pas des sujets abstraits. Nous sommes nous-mêmes lorsque nous choisissons. Et c'est ça que Cavell veut nous dire, en fait. Disons, dans les moments des choix explicites, nous ne faisons qu'être nous-mêmes. Et pour savoir ce qui nous sommes, il faut aller voir la texture fine de nos vies. Par morale, il faut non pas entendre la distinction entre le bien et le mal, mais peut-être le sens que l'on donne aux moralistes. En fait, c'est le caractère moral. La morale n'est pas simplement comment faut-il agir à tel moment donné selon des vertus et des normes a priori, mais bien concerne chaque moment de notre vie où nous nous transformons, où nous prenons des micro-décisions, où nous agissons. En fait, c'est ça, dans le perfectionnisme moral, il faut entendre cette façon de se transformer, de devenir ce que nous sommes. C'est ça, et je pense que l'un des termes vraiment clés pour Cavell, c'est éducation. Éducation morale, non pas éducation dans le sens on pourrait citer la distinction que Pierre Hadot trace entre former et informer. Donc l'éducation ne consiste pas dans le fait de transmettre des informations. Mm-hmm. Elle consiste dans la formation de l'individu, et cette formation peut se faire en classe, chez moi, dans la rue, lorsqu'on lit, lorsqu'on regarde un film. Au fond, c'est le perfectionnisme moral renoue avec une conception antique de la philosophie, où celle-ci était davantage une manière de vivre qu'une discipline enseignée à l'université. Tout à fait, c'est ça, et c'est pour cela en fait que le perfectionnisme moral peut être mis à côté d'autres perspectives contemporaines, chez Foucault par exemple avec les soucis de soi, chez Pierre Hadot avec les exercices spirituels, la philosophie comme manière de vivre, qui essaye justement de renouer avec cette idée que la philosophie morale, la moralité a à voir avec notre manière de vivre. Alors pourquoi perfectionnisme? Parce que ce terme prête à confusion. On y entend perfection, alors il signifie l'inverse. Enfin, le courant, si tant est, on peut à peu près parler d'un courant de perfectionnisme moral, signifie l'inverse. Il n'y a pas de perfection humaine. C'est vrai. Et il y a cette idée, comme vous le disiez en fait au début, que la perfection n'est jamais quelque chose qu'on peut attendre. Donc les perfectionnismes, c'est de toute façon pour indiquer qu'il y a une dynamique. Alors Cavell en parle au début de Seats of Words, philosophie des salles obscures. Il y a une dynamique faite des déceptions et des désirs. C'est ça qui définit pour lui la dynamique du perfectionnisme. Et donc, si vous voulez, les perfectionnismes ne commencent jamais avec une idée des perfections. Ils commencent avec l'idée de fallibilité humaine, l'idée de la finitude, l'idée du fait que l'homme ne pourra jamais être parfait, mais qu'il est toujours poussé par une dynamique de déception vis-à-vis de ce qu'il est, de ce qu'il voit autour de lui, et des désirs de transformer à la fois soi-même, les autres et le monde. Dans le texte qu'on a entendu, Stanley Cavell inscrivait le perfectionnisme moral dans une perspective historique. Il renoue avec cette notion de manière frontale lorsqu'il commence à s'intéresser à Emerson, qu'il tient pour le premier intellectuel américain, milieu du 19e siècle, puis au disciple d'Emerson qui s'appelle Thoreau, l'auteur de Walden notamment, qui est lu aujourd'hui. Écoutez comment Cavell, c'était en 2008, parle de la notion clé chez Emerson de confiance en soi et place celle-ci au cœur même du perfectionnisme moral. Et puis on entendra un extrait d'Emerson, le texte « La confiance en soi ». Cavell donc, Emerson ensuite, un texte particulièrement provocateur que je vous propose d'écouter ensuite. When Emerson introduces this term, quand Emerson introduit cette notion de la confiance ou de l'autonomie, an ordinary picture of Emerson, the individual, on a cette image man, d'Emerson ou d'un homme, en général un homme, une personne indépendante qui n'a besoin de rien ni de personne. What Emerson says is, et ce que Emerson dit, c'est que cette confiance est l'évitement ou l'aversion de la du conformisme. Okay. Aversion. It's true. If all he said was, aversion, bon, throw society away, s'il disait simplement, laissez la société de côté, vous n'avez besoin de rien ni de personne. But this is an agony for mais him. Pour lui, c'est quelque chose de très douloureux. C'est une véritable tâche. C'est la philosophie. C'est un objectif, un but, le but d'une vie. S'il s'agissait simplement d'être indépendant, on pourrait chacun partir de notre côté, choisir nos amours, nos lectures, etc. Mais une aversion. La confiance en soi, c'est l'aversion du conformisme. Cela signifie que dans tous les cas, à chaque moment, il y a cette quête, cette recherche de l'autonomie, de cette indépendance, c'est-à-dire qu'il faut tourner le dos au conformisme à l'intérieur de soi-même. Je rejette père et mère, femme et frère, quand mon génie m'appelle. Je voudrais écrire sur les poteaux et sur les portes « caprice ». J'espère qu'en fin de compte, il s'agit de quelque chose de mieux qu'un caprice. Mais nous ne saurions passer la journée en explication. Ne vous attendez pas à ce que j'exhibe des motifs pour chercher ou fuir la compagnie. Et puis ne me parlez pas non plus, comme l'a fait aujourd'hui un brave homme, de l'obligation où je suis d'améliorer la situation de tous les pauvres. Est-ce que ce sont mes pauvres ? Je te le dis, ô philanthrope stupide, je rechigne à donner un dollar, un sou, un centime à ceux qui ne m'appartiennent pas et à qui je n'appartiens pas. Il y a une catégorie de personnes à qui je suis livré pieds et poings liés par toute l'affinité spirituelle du monde. Pour elles, j'irai, s'il le faut, en prison. Mais vos diverses œuvres de bienfaisance populaire, l'éducation d'imbéciles à l'université, l'aumône à des ivrognes, et ces milliers de sociétés de secours... J'avoue à ma honte que j'y succombe parfois et que je contribue de mon dollar. Mais c'est une méchante contribution que j'aurai sous peu l'énergie virile de refuser. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons du philosophe Stanley Cavell cette semaine et aujourd'hui du concept de perfectionnisme moral qui lui était cher et qui prône une forme de rapport à soi qui est dans la transformation perpétuelle, bien loin de la morale polarisée entre le bien et le mal. La notion de confiance en soi telle qu'elle est développée par le philosophe Emerson est cruciale pour lui et le texte qu'on a entendu, Daniele Lorenzini, est formidable parce qu'il semble revendiquer le caprice, l'absence d'explication pour justifier ses faits et gestes, et surtout dire, mais attendez, moi les pauvres qui sont devant chez moi, qui me demandent de l'argent, je leur tourne le dos, ce ne sont pas mes pauvres, ce n'est pas à moi de m'en occuper, j'irai en prison pour m'occuper des gens que j'aime et qui font partie de ma vie, mais eux, ils ne me regardent pas, ils ne me concernent pas. Affirmer ça, c'est prôner, si on parle de morale, une éthique individualiste et égoïste. Bah, c'est vrai que c'est une provocation, mais alors dans ces textes, on a à la fois cette provocation et comme Cavell l'expliquait dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, l'idée que les perfectionnismes émersoniens, c'est une lutte avec et contre soi et une lutte avec et contre les autres. Hein. En cela, c'est très similaire de la lutte que conduisaient aussi les cyniques dans la philosophie antique. C'est cette idée que effectivement les conformismes, c'est que les autres attendent de nous, y compris, si vous voulez, la philanthropie. Hein. C'est quelque chose qu'il faut combattre non seulement dans les mondes, mais avant tout dans soi-même, en soi-même, parce que c'est la manière dont nous nous sommes constitués, dont la société nous a constitués, qu'il faut rejeter avant tout. Et d'une certaine manière, ça c'est vrai pour Emerson, ça c'est vrai pour Thoreau aussi, les changements sociaux, la transformation de la société, qui était tellement importante pour ces deux penseurs américains, d'une certaine manière, ne pouvait que commencer avec un souci de soi. Mais un souci de soi qui n'est jamais individualiste dans le sens où on se soucie de soi pour bien savoir comment se soucier des autres. On se soucie de soi pour savoir justement ce qui est important de changer, dans quelle direction il faut mener sa propre lutte dans la société contemporaine. Donc, si vous voulez, il y a cet étrange couplage, en fait, du thème de la conversion à soi, thème ancien, socratique déjà, et du thème de l'aversion. Donc, c'est une conversion qui est une aversion, c'est-à-dire c'est une conversion qui est une lutte, qui n'est jamais quelque chose qui nous enferme à nous-mêmes, mais qui est quelque chose qui nous donne justement les ressources pour lutter pour ce qui compte, parce que donner un dollar aux pauvres, peut-être, ne va pas changer les choses, mais lutter, être prêt à aller en prison, par exemple, comme Toro l'a fait, bon, ce n'était qu'une nuit, mais parce que les États-Unis étaient encore un État esclavagiste, parce qu'ils étaient en train de mener une guerre injuste contre les Mexiques, eh bien, cela peut changer quelque chose. Mais quelle différence entre celui qui va satisfaire sa conscience morale en donnant un dollar aux pauvres devant la maison et Toro qui finalement satisfait sans doute aussi une complaisance narcissique en disant « Regardez, je suis prêt à aller en prison pour contester le pouvoir du gouvernement alors que ça ne change pas plus les choses. Bah, » L'essai des Toro, en tout cas, bon, c'est vrai qu'il faut un petit peu concéder que Toro, en écrivant cet essai, en disant… Bon, donc la désobéissance civile. Voilà, la désobéissance civile. Alors, il faut d'abord dire que du point de vue historique, cet essai a joué un rôle extrêmement important dans les siècles et demi qui s'est écoulé après que Toro l'a écrit. Hein. On peut juste citer alors Martin Luther King Jr., tout comme Gandhi. Hein, c'est une référence qui a été essentielle pour beaucoup des gens, des figures qui ont fait l'histoire du XXe siècle. Et il faut aussi souligner que, d'une certaine manière, la désobéissance civile chez Toro devient dans cet acte, si vous voulez, les fondements de la démocratie. C'est ça qui est dur à comprendre. Oui. Hein, c'est pour ça, comme le lien entre cet individualisme dont fait preuve Emerson en disant « ce ne sont pas mes pauvres, laissez-moi m'occuper de moi » et la critique démocratique que Cavell juge nécessaire, qu'en fait ce geste-là apporte à la société. Et c'est l'idée, bon, c'est difficile à saisir, mais si vous voulez, alors c'est une idée des démocraties qui est américaine, qui est peut-être plus difficile à saisir en Europe, mais c'est l'idée justement de confiance en soi, de confiance dans sa propre voix, et l'idée que d'une certaine manière, contre les philosophies du contrat social qui nous disent que d'une certaine manière, une fois qu'on a donné notre accord, et au fond notre accord, on l'a donné avant même de naître, une fois qu'on a donné notre accord à notre société, on ne peut plus les refuser, eh bien, Emerson et Toro nous disent notre accord, l'accord que nous avons donné à notre société, est toujours conditionnel. On peut toujours les retirer et c'est précisément dans ces moments des dissonances entre sa voix personnelle et la voix du discours public, du discours politique, c'est lorsqu'il s'est produit cette dissonance que la désobéissance civile devient un devoir pour les citoyens et les fondements même d'une démocratie qui reste saine, qui reste en bonne santé en fait. Parce qu'il n'y a pas de démocratie s'il y a cette sorte de fiction d'un accord donné dès les débuts et qui ne pourrait jamais être retiré, il n'y a des démocraties qu'à partir du moment où il y a contestation démocratique du discours public, il y a contestation démocratique de ce qui se passe. Bon, Cavell les souligne. Alors, vous avez parlé hier avec Marc Cerisuelo des comédies du remariage. Il faut souligner que pour Cavell, les genres des conversations que l'on a au centre des comédies du remariage, c'est une idée politique. C'est l'idée qu'au centre, les buts de la conversation, du couple ainsi que de la conversation démocratique, ce n'est pas exactement l'accord, parce que Cavell nous dit nous pouvons très bien vivre dans un monde, dans les mêmes mondes moraux et dans les mêmes mondes politiques tout en n'étant pas d'accord. C'est la reconnaissance, c'est la reconnaissance de l'autre, de sa finitude, c'est le respect de ses droits, des Savoies. Et donc, cette idée, si vous voulez, oui, il y a dans le mariage comme dans la société. Voilà, c'est ça. Et c'est l'idée. Alors, ça, c'est très clair dans les comédies du ré-mariage. Les ré-mariages ne consistent jamais à arriver à une sorte d'union fusionnelle des voix. Les voix restent, les voix du couple, hein, restent toujours individuelles. Mm-hmm. Et donc, c'est, si vous voulez, cette. C'est aussi une critique à cette idée que la société serait une union fusionnelle des volontés arriverait à estomper nos voix individuelles. Alors pour Cavell, ce qui est important, c'est au contraire que les voix individuelles puissent continuer à revendiquer, claim, ce qu'elles veulent dire. Oui, il écrit « S'il existe un perfectionnisme qui non seulement est compatible avec la démocratie, mais lui est nécessaire, il ne consiste pas à excuser les ratages inévitables de la démocratie ou à essayer de s'élever au-dessus de ces ratages, mais à enseigner, à réagir, à répondre à ces ratages. » On pourrait appliquer ces phrases-là aux comédies de remariage, c'est-à-dire à son analyse d'un mode d'être conjugal, comment on accepte autrui dans sa propre vie, mais aussi à l'échelle individuelle. Au fond, le perfectionnisme moral est ce qui relie l'individu à autrui, à la famille et également à un pays, à la collectivité à l'échelle d'un pays, dans le même souci de converser autour de ce qui ne va pas, de remettre en question, d'où, revenons quand même là-dessus un instant, d'où ce qu'il appelle l'aversion pour le conformisme. La confiance en soi, dit-il, c'est pas du tout une notion psychologique comme on pense aujourd'hui, d'avoir confiance en soi, ne pas perdre ses moyens. Non, c'est croire en soi indépendamment des autres. Et pas simplement rejeter les autres, mais développer une aversion envers ce qui me force, ce qui me conduit à ressembler à tout le monde. C'est extrêmement fort, ça. C'est ça. Et on retrouve ces idées tout au long de l'histoire de la philosophie, je dirais, depuis les cyniques dans l'Antiquité. On les retrouve aussi dans l'essai de John Stuart Mill sur la liberté, alors qu'il insiste sur l'exercice de l'excentricité. Hein, et il dit, bon, il faut être excentrique, il ne faut pas s'éplier justement à cette conformisme, à la conformité, à ce que la société nous impose. Et ça, c'est une idée que Cavell reprend toujours l'idée qu'il y a des impositions, il y a des choses qui nous sont imposées tout au long de notre vie. Et le travail du perfectionnisme moral, c'est un travail qui commence, si vous voulez, par soustraction. Hein. C'est un travail qui commence par une critique, par un non qu'on dit avant qu'on dise oui à des choses. On doit dire non à toute une série d'autres choses qui nous ont été imposées dans notre vie. Ce qui est donc une manière de proposer non pas une façon de conduire sa vie, mais de rejeter ce qui ne nous plaît pas. Encore un point sur le texte qu'on a entendu d'Emerson, parce qu'il est vraiment, surprenant et très fécond pour la pensée. Il dit bien, il commence le texte en disant « Je rejette père et mère et frère, comme mon génie m'appelle. Je voudrais écrire sur les poteaux et sur les portes caprice, mais j'espère qu'en fin de compte, il s'agit de quelque chose de mieux qu'un caprice, mais nous ne saurions passer la journée en explication. » Cette revendication de l'absence d'explication a quelque chose d'incroyable pour un philosophe qui justement passe son temps à montrer l'importance de la conversation. Dire, bah oui, mais parfois, expliquer aux autres ce que nous sommes en train de faire, c'est perdre son temps. Ça, c'est quelque chose qu'on lit peu. Ça, c'est quelque chose qu'on lit très rarement dans des livres de philosophie, mais c'est quelque chose que l'on voit encore une fois, par exemple, dans les films que Cavell étudie. Alors, on voit très bien qu'il y a parfois des moments de choc hein, entre les deux protagonistes qui sont des moments qui ne se résoutent pas à travers des explications, en fait. Et ça, c'est une autre des leçons que Cavell voudrait faire passer. C'est l'idée que, d'une certaine manière, on doit être prêt à accepter que parfois on n'a pas d'explication pour ce qu'on fait, et accepter le fait que parfois, bon, on n'est pas d'accord, on n'arrive pas à expliquer aux autres ce que nous pensons réellement, et que c'est là, ça fait partie du caractère fini de l'être humain. C'est ça, c'est une forme de faiblesse aussi, parce que ce sont les limites de la raison notamment, enfin de la raison, de l'entendement ou de la sociabilité, tout dépend de quel point de vue on se place. Oui, et ce sont aussi les limites de notre langage, vous en avez parlé un petit peu, c'est si vous voulez, moi je dirais la vulnérabilité de notre langage, le fait que notre langage peut très bien est notre instrument pour nous exprimer, mais parfois il nous trahit ou nous ne sommes pas capables précisément de nous rendre intelligibles aux autres. Et quand cela arrive, Cavell nous dit, eh bien, ce n'est pas une tragédie, ou alors c'est une tragédie dans le sens propre du terme, dans le sens shakespearien du terme. C'est là à voir avec les scepticismes dont vous n'avez pas parlé. Donc il faut tout simplement accepter que parfois on n'y arrive pas. Ce qui est le plus difficile, et c'est ce que le personnage de Philadelphia Story, Indiscrétion, en français de George Cukor, interprété par Catherine Hepburn, n'arrive pas à accepter, cette faiblesse et cette fragilité humaine. Écoutez ce que Cary Grant, Dexter Heaven, C.K. Dexter Heaven, qu'elle a épousé au début du film, dont elle s'est séparée, lui dit pour l'aider à accepter cette faiblesse humaine. C'est très court, écoutez la voix de Cary Grant. Red, you could be the finest woman on this earth. I'm contemptuous of something inside of you. You either can't help or make no attempt to. Your so-called strength, your prejudice against weakness, your blank intolerance. Is that all? That's the gist of it. Because you'll never be a first-class human being or a first-class woman until you've learned to have some regard for human frailty. Red, tu pourrais être la femme la plus extraordinaire au monde, mais il y a quelque chose en toi que je méprise et que tu ne peux pas cacher, ou que tu n'essayes même pas de cacher. Ta soi-disant force, tes préjugés contre la faiblesse, ton impitoyable intolérance, c'est le fond du problème. Tu ne seras jamais un être humain, ni même une femme de premier ordre, tant que tu n'auras pas appris à prendre en compte la fragilité de l'âme humaine. Dommage qu'une déesse ne fasse jamais de faux pas. Dommage qu'une déesse ne fasse jamais de faux pas, c'est la phrase du jour sur France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de Stanley Cavell cette semaine et aujourd'hui du perfectionnisme moral qui s'inscrit dans un courant de l'histoire de la philosophie et que l'on retrouve dans une comédie hollywoodienne des années 40, enfin de 40 même, par George Cukor, Indiscrétion. Et cette phrase que Cary Grant prononce à Catherine Hepburn, Daniele Lorenzini, résume ce que pourrait être le perfectionnisme moral. Oui, c'est arriver à accepter que, même si elle veut être une déesse parfaite, sans fragilité, eh bien, il y a une brisure interne, une fêlure interne avec laquelle elle doit composer. Et en fait, accepter cette faiblesse, c'est ça le combat d'une vie, justement. Oui, tout à fait. Et c'est cette idée, justement, que parfois, et c'est pour ça, si vous voulez, que c'est la conversation qui est vraiment au centre aussi du perfectionnisme moral chez Cavell, c'est quelque chose qu'on peut comprendre seulement grâce aux autres, parfois. On a besoin de quelqu'un qui nous dise ça, on a besoin de quelqu'un qui nous dise, tu penses être parfait, mais tu l'es pas. Et donc, l'idée justement de faire un certain travail, si vous voulez, de soi sur soi, justement, qui nous permet d'accepter cette vérité qui nous blesse, c'est quelque chose qui est tout à fait au cœur de ce que Stanley Cavell appelle perfectionnisme moral. Alors là, c'est difficile de comprendre en quel sens ce que vous dites et cette importance de la prise en compte de la fragilité humaine ne nous fait pas basculer du côté de la psychologie ou de la psychanalyse. Finalement, qu'est-ce qui reste de philosophique là-dedans ? Peut-être que pour le comprendre, on peut élargir au-delà de Cavell à tous ces penseurs philosophes, pour le coup, qui ont mis au point une certaine attention portée à l'ordinaire, à la fragilité, pour montrer que c'était la seule voie d'accès au réel. Oui, et c'est cette idée, si vous voulez, alors, Cavell est dit explicitement, le perfectionnisme moral n'a rien à voir avec une idée de vrai moi, donc même si Cavell, de toute façon, a une certaine fascination pour la psychologie et la psychanalyse, il essaye toujours de montrer qu'il ne s'agit pas de mieux se connaître, mais il s'agit d'une certaine manière de faire agir cette couple de passivité et d'activité qui est en chacun de nous pour essayer de nous transformer. Alors, qu'est-ce que je veux dire par couple, passivité, activité? C'est quelque chose que Cavell explore aussi dans les langages ordinaires. C'est cette idée que on n'est jamais tout à fait passif dans ce qu'on fait. Même quand on agit, on doit accepter que nos actions nous exposent. Et cette exposition de soi aux autres, même nos mots, hein, cette exposition de soi aux autres, c'est une partie de passivité qui ne peut pas être effacée de la condition humaine. Et en même temps, Cavell essaye aussi de montrer que dans la passion, il y a aussi de l'activité. Donc, il étudie ça dans un essai sur les énoncés passionnés, et qui sont dont les comédies du mariage sont pleines. Et il y a cette idée, justement, que même dans des énoncés où on essaye d'exprimer à l'autre, par exemple, nos sentiments, même lorsqu'on est les plus passifs, les plus exposés aux autres, on est toujours en train de faire quelque chose, on est toujours en train d'accomplir une action qui va nous transformer. Et c'est cette idée d'une transformation des soi continuelle qui est à la fois active et passive, qui doit à la fois accepter les pouvoirs des l'être humain, mais aussi sa passivité essentielle. C'est en cela que les perfectionnismes moraux chez Cavell, justement, prend un petit peu sa forme. Est-ce proche de ce que Foucault nomme le souci de soi ? Oui, alors, cela est proche du souci de soi chez Foucault, donc de cette idée que, d'une certaine manière, on doit toujours se convertir à soi, prêter attention à soi, à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, mais justement pour essayer d'avoir des manières un petit peu plus précises, un petit peu meilleures, soucis des autres. C'est aussi proche de ce que Pierre Hadot étudie lorsqu'il parle d'exercices spirituels, qui n'ont rien à voir avec la religion, hein, mais qui sont des exercices que l'on met justement en place pour se transformer soi-même. Ce sont des exercices de l'attention, ce sont des exercices de la pensée, de méditation, ce sont des exercices de la parole. Hein. On pourrait dire que la conversation chez Cavell, c'est aussi une forme d'exercice spirituel, cette capacité justement de s'exposer à l'autre et de converser sans vouloir attendre à tout prix l'accord, mais en acceptant, en reconnaissant la voix de l'autre comme quelque chose d'indépendant de nous et qu'il faut respecter. Eh bien, ce sont toute une série de techniques et d'exercices justement que l'on met à l'œuvre afin de nous transformer, de transformer notre soi. Et alors là, vous avez cité Foucault. Je pense que souvent on dit il y a chez Cavell, dans sa conception du perfectionnisme moral, une certaine ontologie du soi. Donc il y aurait cette idée qu'il y aurait un véritable soi, un soi qu'on a... Une substance. Alors je pense que au contraire, Cavell, en cela, était tout à fait d'accord avec Foucault, qui disait que le soi n'est pas une substance, c'est une forme. Et cette forme n'est toujours pas égale, identique à elle-même. Donc c'est cette idée justement qu'il ne s'agit pas de nier que quelque chose comme les soi existe, mais ces soi c'est une forme, c'est malléable, ça change tout le temps, et plusieurs formes de notre soi peuvent exister en fait au même moment. Je ne suis pas les mêmes soi lorsque je parle ici à la radio, lorsque je sors et je vais à la poste, lorsque voilà, je parle avec mes parents, lorsque je fais l'amour avec ma copine. Hein, c'est toujours moi, donc il y a un air des familles, il y a des ressemblances, mais en même temps, c'est toujours quelque chose de différent. Mais cette transformation perpétuelle, comme si dans l'univers du perfectionnisme moral, on était au sein des métamorphoses de vide, hein, en permanence, qu'il y avait on se changeait de figure, de visage, de corps, tout le temps, avec cette sans-essence intérieure, mais quand même une continuité qui fait qu'on peut continuer à dire « je », parce que sinon ça devient très compliqué et douloureux pour soi de ne plus pouvoir dire « je ». Quel est son but ? Parce qu'on dit, il n'y a pas de bien et de mal, le but n'est pas de devenir ceci, il n'y a peut-être même pas de but. Mais enfin quand même, cette transformation, elle vise à quoi ? À devenir meilleur ? À devenir soi ? À devenir heureux ? Ou autre chose encore ? Oui, alors, Cavell, à mon avis, ne nous aide pas beaucoup à répondre à cette question. Je pense qu'il l'est fait exprès. Il ne veut jamais définir un but, parce que définir un but précis... Même définir tout court, Cavell prend toujours un malin plaisir à dire « Ah, maintenant, la définition réduirait le champ de ce que je dis, et si bien que le lecteur se trouve parfois un peu désemparé. » Tout à fait. Alors, on pourrait dire « Les buts, c'est de se perfectionner », mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui. Le but serait d'être heureux, mais bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que c'est un petit peu l'idée... Cavell insiste aussi en parlant de Emerson sur les concepts de exemplar, sur l'individu exemplaire, avec l'idée qu'il ne s'agit jamais d'imiter quelqu'un que l'on considère exemplaire, mais que l'individu exemplaire nous aide d'une certaine manière à trouver notre voie, notre chemin. Et donc, d'une certaine manière, l'idée, c'est comme le disait Emerson, n'est pas, disons, essayer de trouver la fin du voyage à chaque pas du chemin, ce qui veut dire que d'une certaine manière, on doit savoir accepter qu'on est toujours en chemin, qu'on est toujours en transformation, et que d'une certaine manière, le fait, cette dynamique de déception et des désirs qui nous pousse à continuer à continuer notre chemin, c'est quelque chose qui peut-être ne nous mènera jamais à une perfection, ou à un soi stable, ou à un vrai moi, mais c'est tout ce qu'on a. Et c'est une lutte. Je reviens sur ce terme, parce que lorsqu'on a entendu l'extrait de Cavell, qui parlait, c'était au micro de Philippe Petit en 2008, de la confiance en soi chez Emerson, il insistait sur cette lutte et sur cette douleur qu'engendrait l'aversion du conformisme. Si bien que si cette lutte, c'est tout ce que nous avons, eh bien, il ne s'agit pas du tout d'atteindre, comme le proposent aujourd'hui des formes de développement personnel auxquelles on peut penser en vous écoutant, hein, disant, mais oui, accepter que l'on n'est pas une substance, se transformer perpétuellement pour atteindre la sérénité, sans doute. Mais non, justement, cette lutte, elle aura toujours lieu. La vie est une forme de lutte avec soi, avec les autres, qu'il faut savoir accueillir et contre laquelle il ne faut pas lutter pour peut-être continuer à avancer. Ça, c'est très important. Tout à fait. Et c'est l'idée que, effectivement, on doit savoir refuser toute imposition extérieure, même de ce que serait notre bonheur, même de ce que nous devrions faire afin de nous réaliser nous-mêmes. Hein. Cavell nous dit... Il n'y a pas de manuel de savoir-vivre. Voilà, il ne s'agit pas de définir, d'accepter dès l'extérieur, hein, donc des définitions de ce que serait la vie bonne, la vie heureuse et tout ça. Hein. Bon, il s'agit, encore une fois, d'avoir confiance en soi. Procéder hein, sur ces chemins et d'accepter les faits que ces chemins, ils nous mènera sans doute plutôt qu'à la sérénité, hein, à beaucoup des moments douloureux, beaucoup des moments où des crises. Hein, mais ce sont justement les moments des crises qui nous permettent ensuite de passer d'un soi à un soi prochain et donc de continuer ces schémas qui est la vie. Afin de dissiper toute forme de malentendu autour du perfectionnisme moral, voici ce qui n'est pas. Les versions fausses ou dégradées du perfectionnisme semblent être partout de nos jours. Depuis des livres à gros tirage portant des titres du style « Pour s'aimer soi-même », jusqu'à la campagne de publicité pour l'armée de terre à la télévision, encourageant à s'engager avec le slogan « Réalisez-vous complètement ». On peut trouver que ces formules sont difficiles à distinguer d'une remarque d'Emerson où, énumérant les quelques grands points dont la répétition constitue le secret de la culture, il mentionne ce qu'il appelle le courage d'être ce que nous sommes. Notons que le perfectionnisme emersonien nous demande d'avoir progressivement honte de nous-mêmes, d'une certaine façon, honte de notre posture actuelle. Le Nietzsche emersonien nous demande, pour signifier notre consécration au moi prochain, de nous haïr nous-mêmes, mais comme de manière impersonnelle. Dans la promesse publicitaire de se réaliser complètement, l'offre est de vous dire de quelle manière vous pouvez vous réaliser complètement de la manière la plus importante, en devenant mercenaire. Pour vous, c'est quoi la confiance ? Devenez vous-même. Et oui, cette pub a vraiment existé, Daniele Lorenzini. On est ici en plein contresens sur ce que devrait être le perfectionnisme moral. Et encore, la formule « devrait être » présuppose qu'il y a un but à atteindre. Ce qui est faux, on l'a dit, c'était un spot télévisé de l'armée de terre qui date de 2010 où on voyait des soldats courir avec cette phrase « C'est quoi la confiance ?»« Devenez vous-même » comme si c'était possible et comme si surtout se donner pour objectif d'y parvenir était un but en soi. Or, on l'a bien compris, et Cavell le dit en parlant de Nietzsche notamment et d'Emerson, finalement, ce à quoi peut nous conduire le cheminement du perfectionnisme moral, c'est des sentiments très douloureux, de honte, voire de haine à l'égard de soi, tellement nous sommes loin de cette adhésion, coïncidence avec un soi-substance que nous aimons. Oui, et c'est aussi l'idée, justement, qu'il s'agit de trouver sa propre voie, qui est une voie tout à fait individuelle, qui est une voie particulière, qui est une voie qui ne peut pas nous être imposée ou prescrite dès l'extérieur. Donc à chaque fois qu'il s'agit, à chaque fois qu'on entend qu'il faudrait découvrir ou réaliser notre vrai moi, Cavell nous dirait on est au plus loin de ce que le perfectionnisme moral essaye de faire. Le perfectionnisme moral essaye de nous dire il n'y a personne, en fait, outre que vous-même, qui peut savoir quel est les mois prochains que vous allez réaliser, que vous voulez réaliser pour vous-même. Et comme vous l'avez dit, c'est difficile parce qu'il s'agit d'accepter justement quelque chose de très douloureux, c'est-à-dire de ne pas toujours donner à un objectif. Hein, et alors que tous ces manuels de l'amélioration de soi ne font que nous dire, bon, l'objectif, c'est la sérénité, c'est le bonheur, ne font que nous imposer justement des images de la vie qu'on devrait suivre. Mais ça, on est encore dans les conformismes. Et donc, les perfectionnistes, c'est aversion au conformisme, aversion aussi à ce que Cavell nomme, on l'a entendu, ces versions fausses ou dégradées du perfectionnisme. Cavell dit qu'il faut s'attaquer au moi. Et là, je fais le lien avec le texte d'Emerson qu'on a entendu, qui semblait faire preuve d'un égoïsme, d'un individualisme indécent, en tournant le dos aux mendiants devant sa porte et en voulant écrire caprice pour ne pas avoir à justifier ses actions, comme s'il ne pensait qu'à lui. Ben non, il ne pense pas qu'à lui, puisque le moi n'est pas important. Donc on se demande à qui il pense ou à quoi il pense. Peut-être que la question n'est pas bien formulée, mais c'est pour dire la charge que ces penseurs adressent à toute idée de moi. Donc c'est pas l'individu tel que nous l'entendons aujourd'hui qui compte, c'est peut-être la force critique qui jaillit de ce geste-là. Oui, cette combinaison, si vous voulez, de arrogance et de critique, c'est ce que Cavell aussi souligne. Alors, c'est au début d'un ton pour la philosophie. En anglais, ça passe mieux parce qu'il parle à la fois de arrogance, de la voix, arrogance, et d'arrogation, c'est-à-dire d'appropriation de la voix. Et donc, c'est justement cette idée que, il n'y a pas de moi substantiel, les moi, c'est forme et c'est réforme dans cette dynamique qui est une dynamique de confiance en soi, arrogante par définition, parce que, voilà, il faut faire confiance à soi-même et à personne d'autre, et d'appropriation de sa propre voix et donc d'idée d'aversion par rapport au conformisme, d'aversion par rapport... il y a des passages chez Emerson lorsqu'il dit « Il semble que tout le monde aujourd'hui n'ait fait que citer les autres, n'ait fait que citer des saints, des sages, et alors qu'il faut trouver sa propre voie. Comment est-ce qu'il faut le faire ?» Cavell ne nous le dit pas. Et Emerson, en plus, lorsqu'il dit ça, s'adresse à ses étudiants, puisqu'il enseigne à l'université à Harvard, et il leur dit « Mais arrêtez de passer votre temps à lire des livres », ce qui est assez cocasse pour un professeur, parce que si vous ne faites que lire et jamais écrire, par exemple, eh bien un jour, vous allez tomber sur un texte qui dit exactement ce que vous pensez, mais vous n'avez pas pris le temps de l'écrire, donc on l'a fait avant vous. Et il y a cet encouragement à agir, et quand même, j'aimerais qu'on termine là-dessus, dans cette pensée-là, dans ce courant de pensée-là, il y a quand même cette... cette invitation à faire quelque chose de ce moi qui n'en est pas un, ou alors qui se porte pas très bien, qui se dissout sans cesse, à cette fragilité humaine qui est parfois douloureuse, à cette lutte que nous menons, c'est à l'inverse de l'immobilisation dans laquelle ça pourrait nous plonger. Tous nous encouragent à continuer à agir. Oui, et c'est l'idée, si vous voulez, que les jeux ou les moi est toujours devant nous. Ce n'est jamais quelque chose qui est donné, ce n'est jamais quelque chose qu'il faudrait découvrir parce que c'est caché. C'est devant nous, c'est une tâche. Et c'est cela, hein, au fond, que le perfectionnisme et que Cavell nous dit, il faut tout le temps agir, il faut tout le temps essayer de réaliser ces jeux qui est devant nous, que nous ne connaissons pas encore. Comme le dirait Foucault, il y a longtemps qu'on sait que le rôle de la philosophie n'est pas de découvrir ce qui est caché, mais de rendre visible ce qui est précisément visible, c'est-à-dire de faire apparaître ce qui est si proche, ce qui est si immédiat, ce qui est intimement lié à nous-mêmes qu'à cause de cela, nous ne le percevons pas. Merci beaucoup Daniele Lorenzini d'être venu nous parler de Cavell aujourd'hui. Merci, c'était un plaisir. Je renvoie les auditeurs à votre livre Éthique et politique de soi, Foucault, Ado, Cavell, on en a parlé, hein, Les techniques de l'ordinaire, Chevrin, ainsi que votre ouvrage également, aux éditions du Bord de l'eau. On se quitte avec une chanson qui s'interroge sur ce que c'est qu'être un homme bon. What makes a good man, c'est The Heavy. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Il y a 50 ans, sortait sur les écrans un chef-d'œuvre du cinéma. 1968 ne marque pas seulement les 50 ans de mai 68 et de plusieurs révoltes à travers le monde, c'est aussi l'année de sortie en effet d'un chef-d'œuvre du cinéma. Vous allez tout de suite reconnaître. Alors j'hésite entre Eric Rohmer et Stanley Kubrick. C'est la deuxième. Ouais. Bravo, bravo. 2001 Odyssée de l'espace, donc qui fête ses 50 ans, et pour les fêter, le film est ressorti lors du Festival de Cannes en version mieux que restaurée, dans une copie tirée du négatif original et sous l'égide de Christopher Nolan. Plusieurs événements ont eu lieu, rencontres et conférences, et bientôt, aux éditions Actes Sud, sortira l'Odyssée 2001 sous la direction de Michel Simon. Mais si j'en parle ici, ce n'est pas seulement pour l'actualité, c'est aussi pour la dimension philosophique du film qui est indéniable. Pas une critique, pas une réflexion ou un hommage sur ce film Keane emploie ce terme de philosophique pour le qualifier. Entre la question de la technique, de l'intelligence, de l'histoire ou du langage, entre la référence à Nietzsche, Zarathoustra et le surhomme, ou à la pierre philosophale, il est vrai que ça semble s'imposer. Dave, do you mind if I ask you a personal question? No, not at all. I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission. How do you mean? Rumors about something being dug up on the moon. I never gave these stories much credence, but particularly in view of some of the other things that have happened, I find them difficult to put out of my mind. Le vivant est-il réductible à de la mécanique? L'outil a-t-il marqué le début de l'humanité ou sa fin? La machine est-elle plus humaine que l'homme? Peut-on tout connaître? Peut-on tout dire? L'espace a-t-il une fin? Quand la connaissance est impossible, faut-il s'en remettre au Dieu, à la croyance? Les questions soulevées à propos du film de Kubrick sont multiples et sans réponse définitive, lui-même insistant d'ailleurs sur la liberté que chaque spectateur a de s'interroger sur le sens de son film. Et c'est ce qui donne à 2001 toute sa dimension philosophique, moins par ses clins d'œil à des idées ou des penseurs précis, moins également par une thèse claire et univoque de Kubrick, mais plus en revanche par sa démarche qui permet l'interrogation sans délivrer un seul et unique sens. Ne pas délivrer un seul et unique sens, c'est aussi ce qui ressort de l'usage emblématique de la musique, qu'il s'agisse du beau Danube bleu de Johann Strauss ou des chœurs de Ligeti. Mais plus que l'absence de signification définitive, l'ouverture des interprétations possibles, l'essence à l'écran de la démarche philosophique, ce film exprime ce qui n'est pas exprimable. Il exprime ce que l'on ne peut pas dire, ce que peuvent aussi faire la musique ou l'image. Ce qui est en jeu, c'est ainsi cette notion de mystère, présente en philosophie mais si difficile à théoriser. Que se passe-t-il au-delà de l'infini? Qu'est-ce que pouvoir? Comment dire ce qui n'est pas accessible? Avoir les fans et spécialistes du film à la recherche encore aujourd'hui des sens cachés de ce film, il semble être la meilleure mise en œuvre d'un questionnement sur le mystère qui, par définition, ne peut être dit, énoncé ou formulé. Qu'est-ce que le mystère? Il est impossible de le dire, mais le montrer ou l'exprimer grâce à un simple monolithe noir, 2001, l'Odyssée de l'espace, le révèle encore aujourd'hui. Eh bien, vous me donnez envie de faire une série d'émissions sur le mystère, Géraldine, ce serait une bonne idée. Le mystère, le secret, bonne idée. Et on parlerait sans doute de 2001. Et on pourrait lire le livre qui sort chez Actes Sud, l'Odyssée 2001, sous la direction de Michel Simon. Ça, on le fera de toute façon, ainsi que réécouter votre chronique sur le site de France Culture. Un grand merci à Marie Simon qui a préparé cette émission avec Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie, Isis Jourda, Eva Ferenzi et Philippe Baudouin à la réalisation avec à la lecture des textes Vincent Schmitt et à la prise de son Jacques Hubert. On se retrouve demain pour la suite de notre série consacrée au philosophe Stanley Cavell. Demain, nous évoquerons La projection du monde, c'est-à-dire un des ouvrages de Stanley Cavell sur le cinéma, une anthologie du cinéma, en compagnie de la philosophe Élise Domenac et du cinéaste Arnaud Desplechin qui connaît très bien l'œuvre de Cavell. Pour écouter cette émission, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pourrez réécouter l'émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. À l'heure de votre choix, vous choisissez les émissions qui vous parlent le plus et vous vous faites un cocktail d'émissions préférées que vous écoutez quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc, mais d'ici là,